Ladies and gentlemen, the show is about to begin. À l'écoute d'Énergie Côte d'Azur, il est pour l'instant 20h. Salut à tous, Arsène Gauthier, jusqu'à minuit. Energy. Yeah.